À l'aube du troisième jour, page 72. Thomas a l'impression de devenir fou. Des femmes sont allées au tombeau du Christ hier matin et elles l'ont trouvé vide. La pierre était roulée sur le côté. Le drap qui enveloppait Jésus était toujours là, mais son corps avait disparu. Les soldats qui gardaient le tombeau ont fait courir le bruit que les apôtres avaient volé le corps de Jésus. C'est faux, bien sûr. Mais alors, où est-il ? Depuis hier matin, Thomas sillonne la ville de Jérusalem à sa recherche. Il est en colère contre les menteurs, mais aussi contre les apôtres, ses amis. Aucun n'ose bouger. Il se cache de crainte de se faire arrêter. Ils ont peur. D'ailleurs, à rester ainsi enfermé, ils perdent un peu la tête. Hier soir, quand il est rentré, ils lui ont tous affirmé que Jésus était venu les visiter. Thomas n'y croit pas. C'est impossible. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas, s'était-il écrié. Et il était reparti, chercher de plus belle. Mais Thomas doit se rendre à l'évidence. Il ne trouve rien, pas le moindre indice, pas la moindre piste. Découragé et triste, il rejoint les autres apôtres. Il s'enferme avec eux quand soudain, Jésus est au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Thomas le regarde, les yeux élargis par la surprise. « Avance ton doigt ici, lui dit Jésus, et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas n'a pas besoin de toucher Jésus, il l'a reconnu, il se jette à ses pieds. « Mon Seigneur et mon Dieu » s'exclame-t-il. Oui, Thomas croit maintenant. Il l'a vu de ses yeux, Jésus est vivant. Jésus lui dit alors, « Parce que tu m'as vu, tu crois. » Et pensant à la multitude des chrétiens qui viendront après Thomas et ne le verront pas, il ajoute, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »